La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler de chasse et de pêche, et surtout de pêche, avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, Claude. À matin, je l'ai pas entendu. Par contre, je t'ai lu que tu allais être à Radio X Québec à oui. 10h10 pour parler des orignaux. Puis des orignaux, ben ici, dans le coin, on en a aussi pas mal, hein? Oui, la seule affaire que je faisais rapport avec l'accident qu'il y a eu dans la réserve faunique de Laurentides, où un petit couple a frappé un orignal, puis je disais que par chance pour eux autres, le taux est à base. Donc, comme le taux est basse, l'orignal a passé par-dessus, a juste arraché le toit. Parce qu'en temps normal, si on le frappe avec un auto, avec un certain volume, et ou encore un camion, ben il rentre directement dans la cabine. Alors que là, il a passé par-dessus le toit, il a arraché le toit au passage. Heureusement pour les deux jeunes, le gars a eu un peu de problème, pas beaucoup, puis la fille a rien eu. Mais je disais ce matin, parce que la demoiselle a admis qu'elle avait pas mis ses hôtes, je comprends pas toujours le phénomène pourquoi les gens mettent pas le lumière en tout temps. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il économisait de l'essence à pas mettre le lumière, mais tu sais, dans le fond, elle disait ben j'étais assez basse. Pourquoi tu es assez basse? Pourquoi tu roules pas si haut dans la réserve faunique, à part quand tu rencontres un auto, au moins tu vas voir ces bêtes-là. Puis surtout, c'est ainsi, ils sortent du bois à cause des mouches à chevreuil ou ce qu'on appelle les mouches orignales. Parce que la femelle, elle va se faire piquer au niveau de la vulve en arrière, parce que c'est la seule partie exposée, pas de poils, puis elle n'a pas de queue pour enlever les mouches. Okay. Puis le mâle, lui, il se fait piquer au niveau des testicules. OK. Okay. Excusez-moi. C'est pour ça qu'ils sortent sur les routes, ou encore, ils s'en vont dans les marais pour être capables de s'immerger dans l'eau, parce que les mouches pourront pas les piquer à travers la peau normale. Le poil est trop épais. Mais au niveau des testicules et de la vulve, la femelle, c'est l'endroit idéal. C'est pour ça que s'en vont ces routes. Donc, quand on circule, moi, écoute, j'ai fait votre région pendant au moins 20 ans en tant que représentant. Puis je le sais qu'il faut toujours faire attention. Donc, je roule plus doucement, je roule sur mes grosses lumières. Je regarde dans les fossés, j'essaie de regarder très, très loin. C'est des bêtes qu'on voit pas d'avance. Mmh. Au moins, le gouvernement il a fait quelque chose de bon. Pardon, juste une seconde. Excuse-moi. Et ils ont mis de la roche dans les fossés. Mm. Parce que pendant l'hiver, on met beaucoup de sel. Ce sel-là s'en va dans les fossés. Et l'orignal s'en vient pour lécher ça. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rempli les fossés de roche justement pour éviter que les orignaux puissent aller manger ça et être sur le bord de la route. Mais ça, les orignaux, là, écoute, ça a fait quand même plusieurs morts au fil des ans. Hein. C'est incroyable quand tu penses à ça. Là c'est ouais, moins pire un peu. C'est moins pire un peu avec l'autoroute du parc, là, mais... Ouais, mais la seule affaire, Danny, admettons, là, les gens roulent trop vite. Faut quand même... Tu sais, les gens de Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous dépêchez de descendre à Québec, là. Ouais. Tu sais, vous roulez un peu vite, là. Tu sais, le soir, là, moi, du ben valeur, mais moi, je réduis quasiment de 10 km/h le soir. OK. Tout le temps. Mm. Je suis pas plus sage qu'un autre, mais je le sais qu'il y a des orignaux. Moi, écoute, je travaille à Saint-Raymond, puis j'habite à Québec, et sur mon chemin, il y a des chevreuils à profusion. Donc, si je veux pas en frapper, je fais quoi? Premièrement, je vais mettre un sifflet sur mon auto qui met des ultrasons, qui déjà les avertit de ma présence. Ça, c'est déjà une chose que les gens pourraient faire. Puis deuxièmement, ben, je ralentis. Fait que déjà, je vais au moins préserver ça. Tu veux nous parler aujourd'hui de l'ancrage des bateaux de pêche. Ouais, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que dès qu'on lâche, pour vous mettre en situation, pendant 25 ans, j'ai fait des émissions de télévision de chasse et pêche. Puis s'il y a une chose que j'ai jamais mis dans le fond d'un lac, c'est un ancre. Du moment que tu jettes l'ancre à l'eau, tu viens de brouiller tout le secteur alentour de ton bateau pendant de très, très longues minutes, je te dirais au-delà d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Okay. Avant que la sédimentation retombe dans le fond, tout ton entourage est sali. Deuxièmement, tu as toujours les fameux beaux-frères qui garochent l'ancre au lieu de la déposer doucement. Il y en a qui ont des chaînes, ça fait un bruit d'enfer après un bateau d'aluminium ou un bateau de bois. Le bruit est quand même important au niveau du poisson, mais l'ancrage est encore plus important. Au lieu de mettre un ancre, pourquoi vous faites pas dériver? Tu sais, le poisson, il est pas juste à un endroit, là. C'est bien une valeur, mais quand on va à chasse à perdrix, là, on s'assied pas sur la première souche, puis on attend que les perdrix passent en journée. On marche, on se déplace. Le poisson, c'est pareil. Donc, pourquoi s'ancrer à un endroit précis alors qu'on peut aller dans un endroit, profiter du vent pour se faire dériver, donc on va passer par-dessus différentes fosses, et ça va être plus productif pour prendre du poisson. Au lieu de mettre un ancre en avant, pas en arrière, garde l'allée de la chaloupe, pourquoi je veux rester en place? Ça donne rien. Ah, lui, ça mord ici. Non, non, ça va mordre partout. Ça a mordu là parce que le poisson est allé au moment où t'es passé. Puis là, tu as décidé de mettre un ancre. Mais là, ton poisson ne sera plus là. En mettant ton ancre à l'eau, tu viens tout salir ton eau. Et malheureusement, tu n'auras plus de résultats de pêche comme tu voudrais. Donc, moi, l'ancrage comme tel, on a droit d'avoir une parce que c'est la loi. De là, m'en servir. Moi, tu me fais. Il y a deux choses que je ne me sers jamais dans un bateau, je ne me suis jamais servi. C'est un épuisette, un net ou encore un ancre. OK, OK. Ça fait le tour pour cette semaine? Ça fait le tour cette semaine, mon ami. On s'en reparle, Claude. Claude Roy et la chronique de